Ce jour-là, ils arrivaient. Alors, il y avait le grand repas, le grand souper. Alors, ce souper consistait, il y avait la carde, vous savez ce que c'est ? Oui. Il y avait la carde, il y avait le céleri, la choyade. Mm. Et puis, il y avait rien que des légumes. Oui. Pas de viande. Il y avait le fricot d'épinards, il y avait le fricot d'escargot, il y avait quoi encore, enfin, il n'y avait pas de la morue des fois, hein? Il n'y avait pas de la morue. Ah non, la morue c'est pour la yoli. Non, pas de la morue. Je vous dis, il y avait l'enchoyade, les épinards, la carbe, le céleri et l'anchois. Ça, c'était l'entrée. Mm. Après, il y avait un fricot d'épinards. Mm. Puis, il y avait un fricot d'escargot. Mm. Dans le temps, vous savez, ces grosses plantes qui ont tant de grosses épines, oui, qui viennent dans les ruisseaux, là. On appelle ça des chardons. Oui. Alors, on creusait ça, et c'était une grosse racine. Mm. Il y en avait de plus grosses que le pouce. Alors on faisait blanchir ça et on enlevait dedans, il y avait comme un morceau de bois, tenez. Oui. Et on mangeait que le tour. Et ça, on le faisait blanchir, puis quand c'était cuit, on le faisait frire. Oui. C'était le chardon qu'on appelait ça. Le panicao. Le plat de cardon. Mm. Le panicao. C'est pas ça. Ah, c'est pas les mêmes, hein? Non, c'est de grosses épines qui piquent. Mais basta, tandis que le reste, c'est des grosses feuilles comme la main, là. Et au bout, il y a des épines, toutes les... Ça porte pas de fruits, c'est que la racine qui est bonne. Alors, je vous dis, on fait frire ça. Après, il y a le vin cuit. Il y a le vin blanc. Il y a les 13 desserts. Oui. Et puis après, alors, il y a la grande cheminée où on met un grand arbre. Il faut que ce soit un arbre fruitier. Ah. Qui porte des fruits. Alors, le plus petit de la famille, le plus jeune, est béni. On appelle ça le catafio. Oui. Alors, c'est le plus petit qui va bénir le catafio. Mm. Alors, il dit, allègre, Dieu nous allègre, que le bon Dieu nous fasse la grâce de verre l'an que vient, ce n'est pas mal, ce n'est pas bien. Oui. Vous le comprenez, ça? Oui, un peu. Un peu. Voilà. Et on ne versait pas du vin sur la bûche aussi? Et on ne versait pas du vin sur la bûche? Si, on bénit, on le bénit. Mmh. On le bénit avec du vin. Mmh. Il n'y a pas la bûche de Noël. Mmh. Alors, il y a les figues, il y a les noix, et il y a... Les oranges n'existent pas de ce temps non plus, les bananes. Et il n'y avait rien que des choses. Il y avait un genre d'amande qu'on appelait d'avellano. Enfin, il y avait du miel, on faisait le nougat avec le miel, avec des amandes, oui. Le nougat noir on appelait. Mm. Et la fougasse à l'huile, voilà. Et ça durait la moitié de la nuit. Oui. Après, on allait à la messe, on allait à la messe de minuit. Après le catafio. Mm. Et puis on attendait la messe du matin. Mm. Et puis voilà. Et on faisait quelque chose en rentrant de la messe de minuit encore? Et? On faisait quelque chose en rentrant de la messe de minuit? Oh non, on racontait des blagues et puis on allait se coucher. Mais qu'est-ce qu'on racontait comme blague? Des histoires de l'ancien temps. Mm. Parce que vous savez, dans le temps, il n'y avait pas ni cinéma ni rien. Mm. Et tout se passait au coin du feu. Mm. On racontait des contes.